En Corée du Sud, la bande de Park Geun-hye empêche scélératement l'enquête sur la catastrophe du paquebot Sewol. Le 2 août, lors de la réunion de mesures de l'Assemblée nationale tenue au Parlement, le représentant du Parti pour un nouveau monde à l'Assemblée nationale a dénigré les activités du comité d'enquête spéciale sur la catastrophe du paquebot Sewol en disant qu'il n'a pas de succès particulier et qu'il n'a gaspillé que le budget, et il a prétendu qu'il ne faut pas prolonger le délai de l'enquête.